C'est le procès de la guerre froide, le procès de la haine totale et du fossé infranchissable entre deux mondes, deux sociétés, deux systèmes de pensée. Et curieusement, ce procès spectaculaire qui a vu se dresser l'Est contre l'Ouest s'est passé en France. Il en est au moins resté une expression qui a fait florès depuis, choisir la liberté. Et désormais, on parlera du monde libre par rapport à l'autre, le monde communiste. J'ai choisi la liberté. Le premier homme qui a écrit cette phrase sur la couverture d'un livre s'appelle Kravchenko, Viktor Andreïevitch Kravchenko. Il a rompu avec son pays, l'URSS, en avril 1944, alors que la Deuxième Guerre mondiale n'était pas terminée, et c'est 2 ans plus tard qu'il a publié son Brûlot, un livre autobiographique dénonçant les tares du régime soviétique et révélant l'existence d'un gigantesque système concentrationnaire au-delà de l'Oural, où croupissent des millions d'hommes et de femmes. 1946. La fraternité d'armes des alliés d'hier est oubliée. L'URSS s'est repliée dans son glacis oriental après avoir mis la main sur toute l'Europe de l'Est. Et la compétition est féroce entre capitalisme et communisme. La parution aux États-Unis du livre de Kravchenko remporte aussitôt un immense succès. Des millions d'exemplaires sont vendus. Mais en France, les grands éditeurs se dérobent. Ils craignent à l'évidence les réactions du tout-puissant Parti communiste français. Pourtant, un petit éditeur ose se lancer dans l'aventure. Et malgré les menaces, J'ai choisi la liberté paraît. Comme Outre-Atlantique, c'est tout de suite un succès de librairie. J'ajoute que le livre sera publié dans une vingtaine de langues. Mais ce sont les communistes français qui contre-attaquent assez rapidement. L'hebdomadaire Les Lettres françaises, un journal littéraire d'obédience communiste, issu de la résistance et dirigé par Louis Aragon, publie un violent pamphlet contre Kravchenko. Le transfuge y est accusé de tromperie. Il n'aurait pas écrit lui-même son livre qui ne serait qu'un tissu de mensonges. Kravchenko est en outre accusé d'être un escroc et un ivrogne. Et naturellement, on devine que pour l'auteur de l'article derrière Kravchenko se dissimulent les autorités américaines. L'affaire n'en reste pas là, car Kravchenko, à son tour, se lance dans la bagarre et attaque le journal français pour diffamation. Début 1949, Viktor Kravchenko atterrit en France. Il est accueilli comme une vedette. Le procès va avoir lieu devant la 17e chambre correctionnelle. 6 audiences sont prévues, mais en réalité, le procès ne se terminera que plusieurs semaines plus tard. La plupart des intellectuels français défileront à la barre, les journalistes noirciront des milliers de pages et l'affaire passionnera la France 3 bons mois. Monsieur X, cette semaine, a donc choisi de me parler de Kravchenko. Pour lui, en effet, cette affaire illustre parfaitement la guerre souterraine que se livraient alors les services secrets. Et si le procès s'est déroulé à Paris, ce n'était pas tout à fait un hasard. Vous n'avez pas idée du tapage provoqué par le procès Kravchenko, à une époque où la télévision existait à peine. Mais on suivait ça jour après jour, comme un feuilleton, et passez-moi l'expression, mais on s'engueulait ferme. Et pour ou contre Kravchenko? Oui, ouais. Ce type déchaînait les passions. Mais il faut se remettre dans le climat de 1949. On sortait à peine de la guerre, et on vivait encore dans le mythe de la France résistante. Ah, le mythe, là, vous exagérez. Mais non, vous savez très bien que malheureusement, dans leur majorité, nos compatriotes sont restés passifs. Enfin, bon, peu importe, l'époque était encore belliqueuse et héroïque. Et le parti des 75 000 fusillés, comme on disait alors. C'est-à-dire le parti communiste. Oui, le parti communiste français. Le parti communiste français qui régnait en maître sur l'intelligentsia française ne pouvait pas supporter que l'on touche à l'URSS le grand allié, la patrie du socialisme, à qui nous devions une part de notre liberté. Par conséquent, accuser l'URSS, c'était ipso facto mettre en cause la lutte contre le nazisme et donc la résistance. Et soutenir Kravchenko, c'était donc prendre parti pour l'autre camp. Exactement. Tout à l'époque était ou noir ou blanc. Et entre les deux, il n'y avait guère de nuances. Pendant 3 mois, les 3 mois du procès, on s'est donc injurié avec allégresse. Et pour qui connaissait le dessous des cartes, c'était au fond assez amusant. Parce que naturellement, vous connaissiez le dessous des cartes, comme vous dites. Mais bien sûr. Alors, par où commence-t-on? Je pense qu'il ne peut être pas inutile de faire plus ample connaissance avec Viktor Andreevich Kravchenko. Je vous écoute, alors. Cet Ukrainien est né en 1905, l'année de la première révolution. La révolution avortée. Et qui sera comme la répétition générale de la révolution d'octobre 1917, selon les propres mots de Trotsky. Comme vous le savez, cette révolution de 1905 a été durement réprimée par le régime tsariste. Et le père de Kravchenko a été l'un de ses ouvriers qui ont chèrement payé leur aspiration à la liberté. Il a été arrêté ? Oui, arrêté et déporté. Et le petit Victor a été élevé par son grand-père, un modeste paysan. Lorsque 1917 est arrivé, le père avait été libéré. Et il s'est lancé aussitôt à corps perdu dans le mouvement révolutionnaire. Donc Kravchenko a été élevé dans un milieu résolument anti-tsariste. Tout à fait. Mmh. Et après la guerre civile et la victoire des bolcheviks, le jeune homme adhère avec enthousiasme aux nouvelles idées. Mmh. Adhère-t-il pour autant au Parti communiste ? Oui. Mmh. Comme Sommel, puis ouvrier. Victor est sincèrement persuadé qu'il va participer à la construction d'un monde nouveau. Le soir, après le travail, il court de réunion en réunion. Et bientôt, forcément, on le remarque. Et les autorités lui proposent d'étudier à l'Institut technologique de Kharkov. Et c'est une promotion, ça. Incontestablement, d'autant que Kravchenko a alors 25 ans. Pour la suite, il faut se référer à son livre. C'est-à-dire que vous ne garantissez pas l'authenticité du récit ? Oui, je suis à peu près certain que dans les grandes lignes, Kravchenko a dit vrai, mais il n'en est pas moins sûr qu'il a aussi pris quelques libertés avec la vérité. Comment pouvez-vous le savoir ? Kravchenko, quand il a écrit l'histoire de sa vie, lui ou ceux qui l'ont aidé, était alors un transfuge. Attendez, vous avez dit ceux qui l'ont aidé. Oui, on y reviendra plus tard. Donc à ce moment-là, Kravchenko, passé à l'Ouest, est un traître pour ses compatriotes. C'était alors tentant de mettre en valeur sa lucidité, non ? Ouais. J'allais dire son exceptionnelle lucidité, le fait que très tôt, il avait perçu ce qu'il y avait de nocif, de pervers dans le système soviétique, vous comprenez ? En somme, il fallait qu'il se donne le bon rôle. Oui, même si j'insiste là-dessus, ce qu'il décrivait reflétait assez fidèlement la réalité soviétique. Par exemple, Kravchenko raconte qu'il est envoyé enquêter sur les conditions de travail dans le grand combinat industriel de Nikopol. Immédiatement, le jeune homme est frappé par l'incurie qui règne dans cette entreprise. On est alors au début des années 30, non ? C'est exact. Mmh. Kravchenko se rend compte que les dirigeants du combinat n'osent prendre aucune initiative parce qu'ils ont peur. Peur ? Peur des autorités supérieures, peur du parti qui pourrait leur reprocher d'éventuelles erreurs. Alors, ils préfèrent donc ne rien faire. C'est à peu près ça, oui. Puis il y a pire quand même, c'est la situation des travailleurs. Ils vivent de façon misérable, mal nourris, mal logés, mal vêtus. Un comble pour une nation qui proclame qu'elle est la patrie des travailleurs. Et quand ces malheureux ouvriers osent protester, ils disparaissent purement et simplement. Déportés. Oui, arrêtés et déportés. Ouais. Et devant ce spectacle, alors que fait le jeune Kravchenko ? Il va à Moscou. Pourquoi faire ? Pour dire ce qu'il a vu à Nikopol. À l'époque, c'est pour le moins audacieux, ça. Vous avez raison, d'autant que Kravchenko, et c'est toujours lui qui raconte, hein, ne s'adresse pas à n'importe qui, mais à un personnage très proche de Staline. Et qui ? Ordzhonikidze. Un Georgien comme le maître du Kremlin, un bolchevique de la première heure, membre du bureau politique. Un personnage très important. Oui, c'est un dignitaire du régime. Et le jeune Kravchenko a facilement accès à ce haut responsable. Apparemment, et il déverse sa bile. Et donc écoutez. Tout à fait. Et l'autre lui répond que le camarade Staline est bien conscient que beaucoup de choses restent à faire, mais il faut du temps, car il est plus facile de diagnostiquer que de soigner. Et ces quelques paroles suffisent à rassérener Kravchenko ? Non, en tout cas, ce qui frappe surtout le jeune communiste, c'est le luxe dans lequel vivent les dignitaires du régime. Restaurant bien approvisionné, en toute fourrure pour les épouses, domestique, automobile, les hiérarques de l'URSS ne manquent de rien, tandis qu'en province, c'est la misère. Oui, en entendant votre récit, j'ai l'impression qu'encore une fois, vous avez des doutes, hein. C'est bien ça ? Encore une fois, je ne dis pas que Kravchenko ment, contrairement à ses détracteurs qui l'accuseront plus tard de fabuler par anticommunisme. Disons que je me contente de dire que son récit a été arrangé, c'est tout. Bon, alors continuons. Après ce qu'il a vu, là, Kravchenko demeure-t-il communiste ? Oui. Après tout, pour un vrai communiste, seule la fin compte. Ouais, ouais. Et la fin, c'est l'avènement d'une société plus juste, plus égalitaire. Alors il rentre chez lui, et là, il va découvrir une autre facette du système. Quoi ? Ses parents ont adopté une petite fille qui errait sur les routes, une fille de Koulak. C'est-à-dire une fille de petit propriétaire paysan. Oui. Son père et sa mère, comme des centaines de milliers, des millions peut-être, ont été déportés parce qu'ils refusaient la collectivisation des terres et des moyens de production. À travers l'histoire de cette petite fille, là, Kravchenko découvre donc le drame véritable, hein, des Koulaks. Comme il va découvrir le ravage de la famine qui va tuer des dizaines de milliers d'autres paysans. Une famine qui, pour lui, a été délibérément provoquée par les autorités. Ouais, mais tout ça est vrai, on le sait maintenant. Vous avez raison. Mais c'est l'organisation du récit qui sent l'arrangement, enfin qui sent le roman un petit peu. Et aussi les contradictions, car malgré toutes ces horreurs, Kravchenko affirme qu'il reste communiste. Et même, quand la police secrète commencera à s'intéresser à lui, il demeurera fidèle au parti. Étrange, non, pour un jeune homme aussi lucide. Georges Izard, a été le brillant avocat de Kravchenko lors de son procès contre les lettres françaises. J'extrais ces quelques lignes empruntées à sa plaidoirie car elles répondent en partie à mon interlocuteur à propos de la fidélité du transfuge au Parti communiste. On l'a parfois soupçonné d'avoir noirci certaines scènes, mais sur le sujet qui nous importe ici, il s'est visiblement efforcé de faire sentir toutes les étapes, toutes les nuances et toutes les causes de sa lente évolution. On oublie trop que, durant les deux tiers de son livre, Kravchenko reste un communiste convaincu. Il ne s'en cache pas, il le déclare expressément. S'il raconte que des exactions, des violences, des atrocités, des abus de diverses sortes ont été commis, il prend bien soin de leur laisser un caractère individuel. Il s'agit d'actes sporadiques, même s'ils ont été répétés. À ses yeux, il n'engage pas le parti, pas plus que le péché des prêtres ne compromet l'Église. Même les lourdes insuffisances de la réalisation socialiste, même le régime de l'inégalité, la misère des travailleurs collectivisés et l'opulence des privilégiés, Kravchenko s'obstine à n'y voir qu'un système transitoire, une nécessité provisoire. La production va s'améliorer, la prospérité gagnera toutes les classes, la nouvelle constitution changera la vie de la Russie. Il le redit sans cesse jusqu'en 1936, jusqu'au moment où il constate qu'on est parvenu à lui arracher sa foi bolchevique. Et pourquoi la police secrète va-t-elle s'intéresser à lui ? 1936, c'est le véritable commencement des grandes purges. Dans l'usine où il travaille, comme dans toutes les entreprises du RSS, le NKVD, l'organisme qui a succédé au GPU, traque systématiquement les déviationnistes, les dissidents, les traîtres, tous ceux qui ne sont pas exactement dans la ligne, ou bien encore qui ont été dénoncés. Et à l'époque, vous le savez bien, il ne faut pas faire grand-chose pour sortir involontairement des rangs. Mais comment ça se passe, cette traque-là, dans l'usine là ? Des commissions du parti s'installent dans les entreprises et interrogent les uns après les autres les employés. C'est en fait des sortes de tribunaux. Oui, exactement. Mmh. Et non seulement les activités du personnage qui est interrogé sont passées au crible, mais aussi son passé, sa famille. Et l'inquisition, ça. C'est cela. Sans compter que les délations sont toujours possibles et qu'elles sont prises en compte. Alors il faut se justifier, s'expliquer longuement des heures durant, parfois toute une nuit, plusieurs nuits même. Dans ces conditions, les êtres les plus innocents finissent par faire figure de coupables. Bon, mais vous savez bien ce que ça veut dire. Le goulag. Le goulag, oui. Ouais. Rappelez-moi, c'est une parenthèse, là, ce que ce mot popularisé par Solzhenitsyn signifie. Le goulag, c'est une abréviation qui désigne la direction générale des camps de travail. Des camps qui utilisaient alors une main-d'œuvre gratuite pour effectuer des gigantesques travaux de l'ère stalinienne. Construction de voies ferrées, creusement de canaux, etc. Ouais. On a estimé qu'en 1939, enfin juste avant la guerre, il y avait presque 6 millions de personnes au goulag. Et à mon sens, le principal mérite de Kravchenko a été de dénoncer ce système concentrationnaire. D'autres l'avaient fait avant lui, mais il n'avait pas été écouté. Et lui-même, a-t-il échappé au goulag ? Il s'est assez bien sorti de ce premier interrogatoire. C'est donc que sa démarche là auprès d'Ordzo Nikidze est restée ignorée d'une KVD, non ? Ou plus vraisemblablement qu'elle n'a jamais eu lieu. Pure supputation, quand même. Non, il ne circulait pas facilement en URSS. Il fallait à tout bout de champ montrer son passeport intérieur. Puis pour aller à Moscou, Kravchenko a dû demander une autorisation à ses supérieurs de l'Institut de Technologie. Enfin, j'imagine que les démarches qu'il a effectuées pour voir le Georgien n'ont pas dû passer inaperçues. Autant de raisons qui me font penser que Kravchenko a inventé cet épisode. Oui, parce que vous pensez que ces informations auraient figuré dans son dossier au NKVD. Évidemment. J'ajoute qu'Ordzo Nikidze, comme tant d'autres vieux bolcheviques, a fini lui aussi par rapidement passer à la trappe. Par conséquent, tous ceux qui l'avaient approché sont devenus automatiquement suspects. Or, Kravchenko, lui, est passé à travers les mailles du filet, et à plusieurs reprises encore. C'est-à-dire ? D'après son récit, deux fois encore, il a affaire aux inquisiteurs du parti et du NKVD. La première fois, ça se passe bien. Et Kravchenko bénéficie d'une promotion puisqu'il est nommé ingénieur dans un combinat à Nikopol. C'est maintenant un privilégié, un cadre. Mais affirme-t-il, il est toujours sous surveillance et son secrétaire est un espion du NKVD. On se méfie donc toujours de lui. Ah, c'est ce qu'il dit. Et une autre fois encore, il a affaire au NKVD et son dossier pèse lourd. Qu'a-t-il de nouveau, hein ? Il n'aurait pas dénoncé les saboteurs qui agissaient à l'intérieur de son usine. Et puis il y a son père. Son père, vous avez dit qu'il avait été un militant révolutionnaire. Hein. Oui, mais il n'a jamais adhéré au parti. C'est un individualiste, un homme qui a recueilli en outre une fille de Koulak. À l'époque, c'est une accusation extrêmement grave. Et puis, oui, qui peut coûter très cher. Ouais. Kravchenko est donc à nouveau interrogé. Oui, pendant des mois. D'après ce qu'il raconte, il est maltraité. Et comme il refuse de signer la déposition toute prête qu'on a préparée pour lui, il est assommé à coups de bottes et de coups de poing. Là, il est arrêté. Hein. Non. Et encore une fois, permettez-moi de m'étonner, car le NKVD a envoyé des gens au goulag pour beaucoup moins que ça. Cette troisième série d'interrogatoires correspond en tout cas avec sa rupture avec l'idéologie communiste, si j'en crois son avocat Georges Isard. Je cite à nouveau ce dernier. En quittant la police, il n'est plus qu'une loque, un gibier traqué. Il ne lui reste que sa volonté toute nue de ne pas céder, de ne pas avouer ce qu'il n'a pas fait. Mais dans sa chambre, ses plaies lavées et pansées par sa mère, il redevient Kravchenko, un homme avec le sentiment de ses droits imprescriptibles et la certitude que la révolution a été faite pour les hommes et non pas les hommes pour la révolution. Alors, pour la première fois, mais définitivement, il comprend que jamais, jamais plus, il n'éprouvera les mêmes sentiments à l'égard du parti, du chef et de la cause. L'espèce de cordon ombilical qui l'avait si longtemps attaché à ses idées et à ses symboles était maintenant coupé pour toujours. Non seulement Kravchenko n'est pas envoyé au goulag, mais il va à nouveau être promu. Professionnel, hein? Oui, alors que bien sûr, toutes les promotions doivent recevoir l'aval du parti. Normal. Ouais. C'est ainsi que Kravchenko devient ingénieur en chef, puis directeur d'usine, dirigeant d'un trust métallurgique et même adjoint au conseil des commissaires du peuple de la République soviétique de Russie. Un joli parcours pour un suspect. N'est-ce pas? Mais cette exceptionnelle ascension sociale lui permet de pénétrer les cercles les plus influents et d'en donner une peinture particulièrement féroce. À votre point de vue, il n'exagère pas? Non. Et il fait maintes révélations, notamment sur les rapports entre l'URSS et l'Allemagne nazie, après la signature du pacte germano-soviétique. Grâce à Kravchenko, on apprendra ainsi, à l'Ouest, que Staline a puissamment aidé l'effort de guerre militaire de 39 à 41. Mais à cette époque, là, devant tout ce qu'il découvre, est-ce qu'il pense à fuir l'URSS? Bien sûr. Il est le régime, ses potentats, ses serviteurs, mais il faut trouver l'occasion de fuir. Et en pleine guerre, ça n'est pas évident. Jusqu'au jour où la chance lui sourit. Comment? En 1943, on offre soudain au camarade Kravchenko de faire partie de la commission d'achat soviétique installée aux États-Unis. Vous savez que les Américains et les Russes avaient conclu un accord de pré-bail permettant aux Soviétiques d'acquérir pour des dizaines de millions de dollars des produits métallurgiques indispensables. Pour les aider à poursuivre la guerre. Bien entendu. En août 1943, Kravchenko arrive donc à Washington. En tout cas, moi je pense que cette mission qu'on lui confie indique qu'on lui fait entièrement confiance. Ah, totalement, oui. Et alors, quand va-t-il faire des défections? 8 mois plus tard, au début du mois d'avril. Il a attendu 8 mois. Hein, c'est beaucoup, non? Pour un homme qui avait, semble-t-il, une telle aversion pour le régime soviétique et qui surtout voulait rompre à tout prix. Mais vous avez raison, il ne serait peut-être pas inutile d'en savoir un peu plus sur ces 8 mois. Et que voulez-vous dire, là? Vous avez lu l'ouvrage de Kravchenko, J'ai choisi la liberté? Non, j'avoue que non. Ah, vous devriez. Il y a quelque chose de très frappant. Kravchenko, lorsqu'il parle du début de son séjour américain... Avant qu'il ne choisisse de rompre, donc. Oui. Kravchenko donc écrit que les Américains vouent une sorte de culte aux Soviétiques et à Staline. Enfin bref, selon lui, il serait aveuglé par la propagande communiste et il n'y aurait pas plus d'esprit critique sur l'URSS dans les journaux américains que dans les journaux soviétiques. C'est pour le moins bizarre. Oui. Kravchenko, à l'évidence, ne lit pas les mêmes journaux que tout le monde, ou alors il écrit sur ordre. Mais dans quel but alors? Faire croire que la presse américaine est abusivement influencée par la propagande communiste. Vous pensez qu'il est alors manipulé? Pour moi, c'est certain. Et au cours de ces 8 mois qui séparent son arrivée sur le sol américain de sa défection, il a été approché par des agents des services secrets. C'est à mon avis la seule explication possible. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous l'avez compris, M. X, sans toutefois nier la réalité socialiste que décrit Kravchenko dans son livre, soupçonne que se dissimule derrière cette publication une manipulation et la main des services secrets américains. À la décharge de Kravchenko, si je puis dire, je veux citer son propre témoignage. Dans son célèbre livre « J'ai choisi la liberté », il raconte comment lui et les autres soviétiques étaient surveillés à Washington, surveillés par leurs propres compatriotes, je le cite. Il nous était défendu d'aller dans des boîtes de nuit, de voir des films ou des pièces de théâtre contre-révolutionnaires et d'écouter à la radio des commentateurs réputés inamicaux à l'égard des soviets. Nous aurions préféré nous faire prendre en flagrant délit de meurtre plutôt qu'en train de lire un livre anti-soviétique. Néanmoins, nous étions tout de même des hommes comme les autres et nous faisions beaucoup de ces choses interdites, car il est à peu près impossible de résister à la tentation de commettre des péchés politiques lorsqu'on vit dans un pays démocratique, mais nous les faisions toujours en tremblant de peur. Nombreux d'ailleurs furent ceux d'entre nous à qui leurs imprudences coûtèrent leur carrière. On reste confondu devant l'ampleur et la complexité de l'espionnage dont fait l'objet tout fonctionnaire soviétique résidant à l'étranger. En tant que membre loyal du parti, et aussi pour se protéger lui-même, chacun de nous était tenu de rapporter les propos et les actes douteux qu'il avait pu surprendre chez ses camarades. Mais le parti ne s'en tenait pas là. Il employait toute une bande d'agents spéciaux répartis au sein de la commission et soi-disant chargés de diverses besognes techniques. En réalité, Ces hommes passaient le plus clair de leur temps à espionner tout le monde. Plus terrible encore était le réseau des agents du NKVD, inconnu de nous bien sûr, dont le seul travail était d'en faire autant. Le général, qui présidait la commission, et le camarade Serov lui-même, n'échappaient pas à cette surveillance policière de tous les instants. Comment se passe exactement la fuite ou la défection de Viktor Kravchenko ? Oh, le plus simplement du monde. Un soir du tout début du mois d'avril, il quitte la maison de Washington où il habite et il va prendre le train de New York. Il n'est donc pas surveillé par ses compatriotes ? Bon, faut quand même pas exagérer. Kravchenko n'avait pas un homme du NKVD constamment attaché à ses pas. Puis, il voyageait beaucoup à travers les États-Unis dans le cadre de ses fonctions. Donc il part sans difficulté ? Oui, sans difficulté matérielle. Enfin, pour le reste, autre chose. On ne rompt pas impunément avec son pays, ses amis, sa famille. Car l'instant où Kravchenko prend la décision de fuir, il sait que la rupture sera irréversible. Il ne reverra sans doute jamais son pays. Puis il court un autre risque. Hein. Désormais, il sera un homme traqué. C'est évident. Les hommes du NKVD n'épargneront aucun effort pour le retrouver. Ceci près que la célébrité dont il va bientôt bénéficier lui servira en quelque sorte de gilet pare-balles. Lorsque Kravchenko deviendra un homme connu, il sera plus difficile de se débarrasser de lui. Mais à cause de l'opinion publique. Bien sûr. Mais en attendant, Kravchenko doit vivre caché sous une fausse identité. Car il sait très bien quel a été le sort en 1940 d'un autre transfuge soviétique, le général Krivitsky. On l'a retrouvé mort, tué par balle dans sa chambre d'hôtel de New York. New York, où justement Kravchenko a trouvé refuge dans un modeste hôtel de Manhattan. Oui, mais revenons à ce que vous insinuiez là plus haut. Si pendant les premiers mois de son séjour américain, Kravchenko a été approché par des agents américains, ceux-ci n'ont sans doute pas oublié le transfuge. C'est juste. Et la meilleure preuve, c'est l'article qui paraît dans le New York Times, 3 jours à peine après la fuite de Kravchenko. Quel article ? Un papier dans lequel Kravchenko dénonce violemment le régime soviétique et la politique de Staline. Le réfugié y affirme, non sans raison d'ailleurs, que l'URSS joue un double jeu. Sous couvert de mener la lutte contre le nazisme, elle envisage d'ores et déjà d'imposer son totalitarisme dans les territoires libérés d'Europe de l'Est. Et pour vous, la publication de cet article n'est pas innocente ? Non, je vais vous le démontrer. Kravchenko vient de fuir. Il est seul dans sa chambre d'hôtel. Il ne connaît que quelques mots d'anglais. Or, en un temps record, il arrive à se faire publier dans le plus grand journal américain, alors même qu'il critique l'allié soviétique. C'est extraordinaire, non ? Oui. D'autant qu'il prétendra plus tard que la presse américaine dans son ensemble avait alors, pour Staline, les yeux de chimène. Donc, à votre avis, c'est sûr, Kravchenko a été aidé ? Ça me paraît clair. Sa fuite était programmée, la publication de son article aussi, oui. Et que devient Kravchenko après cet article retentissant ? Ben, il écrit. À son fameux livre ? Oui. Et où vit-il ? Ben, il change très souvent de résidence, il est hébergé chez différents amis. Il y a des amis qui sont peut-être des Américains un peu spéciaux ? C'est aussi mon avis, oui. Ouais. Il écrit, dites-vous, mais... Tout à l'heure, vous avez aussi laissé entendre qu'il n'écrivait pas seul. En effet, on lui a adjoint un rédacteur. C'est qui ? Ça ne paraît pas très difficile à deviner. Ce sont les gens qui s'occupent de sa protection. Ouais, les services secrets, donc. Et sur les writers, là ? Il s'appelle Eugene Lyons. Notez bien que Kravchenko a toujours nié cette collaboration. Il a affirmé haut et fort qu'il était le seul rédacteur de son ouvrage. Alors, ce writer, là, ce Lyons, qui est-il en réalité ? Lyons est un Russe, un émigré, un homme qui s'est enflammé lui aussi pour les idéaux révolutionnaires de 1917. Correspondant de l'agence TASS aux États-Unis, il a ensuite travaillé à Moscou, il a pu approcher Staline et le gratin du régime. Puis il est rentré aux États-Unis, il a été l'un des premiers à dénoncer le régime soviétique. C'est un agent ? Il en a le profil en tous les cas. Et peut-être même a-t-il travaillé pour l'Est avant d'être retourné. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est lui, Lyons, qui a tenu la main de Kravchenko lorsque ce dernier a écrit « J'ai choisi la liberté ». Ce qui n'enlève d'ailleurs rien à l'authenticité du récit. Hein. Non, à l'exception des quelques bizarreries que j'ai soulignées qui trahissent en quelque sorte la forgerie, comme on disait autrefois. Le livre paraît donc. En 1946, oui. Ouais. Et c'est un immense succès. Oui. Il ne faut pas oublier que beaucoup de choses ont alors changé. La guerre froide est déjà pratiquement engagée. Et il est clair pour les Américains que l'ennemi se trouve maintenant à l'Est. Bientôt, ce sera le macartisme et la chasse aux communistes. Le livre de Kravchenko arrive donc à point nommé. Et ceux qui avaient préparé l'opération avaient bien joué. Ils avaient compris bien avant tout le monde que lorsque Hitler serait battu, il faudrait s'occuper du petit père des peuples. Staline. Oui, Staline, oui. Mais vous le comprenez bien, les Soviétiques ne peuvent pas en rester là. Et ils préparent la contre-offensive. Et elle prend forme à Paris. Ah, c'est le fameux article des lettres françaises. Les articles, car il y en aura plusieurs, mais je vais vite. Cette contre-offensive est fondée sur le témoignage d'un certain Sim Thomas, un type qui serait un ancien des services secrets américains. Oui, le journal français publie donc le témoignage de ce Sim Thomas. Mais que dit cet agent secret, là ? Mais il affirme que Kravchenko n'a pas écrit son livre. Ce qui ne serait pas tout à fait faux, si je vous suis. Oui, mais enfin, lui, il va beaucoup plus loin. Non seulement Kravchenko serait un imposteur, mais ce serait un ivrogne, un escroc, enfin, j'en passe. Des accusations extrêmement graves. Et complètement diffamatoires. Oui, oui, tout à fait mensongères, mais c'est pas béni pour Kravchenko et les gens qui se trouvent derrière lui. Il voit là le moyen d'attaquer là où cela fera le plus mal, c'est-à-dire à Paris. Et pourquoi Paris ? Parce qu'en France, le Parti communiste représente une force politique considérable et que cela inquiète les États-Unis depuis longtemps. Il est donc décidé que Kravchenko portera plainte pour diffamation. La seule fin, d'affaiblir le PCF. C'est cela. La suite, vous la connaissez sans doute. C'est un procès spectaculaire, interminable. La plupart des intellectuels font cause commune avec les lettres françaises. Pour quelle raison ? Par anti-communisme, si je puis dire. À cette époque, les intellectuels ne nient pas l'existence des camps en URSS, mais ils estiment que l'ennemi, c'est d'abord l'impérialisme américain. Et sous ce prétexte, ils amnistient les staliniens. Oui, mais de leur côté, Kravchenko et ses avocats font venir à la barre quelques témoins qui établissent la réalité de l'existence des camps soviétiques. Qui, par exemple ? Oh, je n'en citerai qu'un. Une femme admirable. Margaret Buber-Neumann. C'était la femme du dirigeant communiste allemand, hein ? Oui. Elle raconte comment son mari a disparu avant-guerre dans la Russie stalinienne. Elle a révélé surtout qu'elle a été elle-même envoyée au goulag et que, au lendemain du pacte germano-soviétique, elle a été livrée à Hitler et déportée au camp de Ravensbrück. Oui, un camp de concentration allemand, donc après un camp russe. Oui, c'est accablant. Il y a un autre point très intéressant. Vous écoutez, hein ? Eh bien, au cours du procès, les défenseurs sont incapables de faire la preuve de l'existence du dénonciateur. Ce Sim Thomas, là. Oui, un agent secret américain qui n'a, à l'évidence, jamais existé et qui est une pure création du KGB. C'est un agent d'influence français, un certain André Hu, travaillant pour les services soviétiques, qui a intoxiqué les lettres françaises. Oui. Mais le journal ne sait peut-être pas. Montré trop curieux, après tout, cet hebdomadaire était pro-communiste, non ? Vous avez raison. Le résultat, c'est que le journal et ses dirigeants sont condamnés pour diffamation. Modérément condamnés, d'ailleurs. Que voulez-vous ? Il fallait tenir compte du poids du Parti communiste français dans la vie nationale. Une sorte de match nul ? On peut voir les choses comme ça. Et Kravchenko, qu'est-il devenu ? Lui, il a gagné beaucoup d'argent avec son livre et métamorphosé en capitaliste. L'ancien révolutionnaire a investi son argent dans des affaires douteuses et il a fini par tout perdre. Est-ce pour cette raison qu'il a fini par se suicider dans les années 60 ? Je ne sais pas. Mais je crois aussi que pesait sur lui le poids du secret. Enfin, le poids du secret et aussi celui du mensonge. C'est quand même lourd pour un homme qui a perdu sa patrie. Kravchenko s'est en effet suicidé le 25 février 1966 à New York, d'une balle dans la tête. Il habitait alors chez un ami, il aurait laissé une lettre, mais d'après le journal Paris Jour du 26 février, la police aurait refusé d'en divulguer le contenu. Pour quelle raison ? Autre chose, M. X a parlé d'un certain André Hu, l'homme qui aurait inventé Sim Thomas à l'instigation des services secrets soviétiques. Dans son livre « La France sous influence » paru chez Grasset, Thierry Volton écrit son nom en toutes lettres. Je cite cet auteur en prenant toutefois les mêmes précautions que mon interlocuteur. Avec André Hu, on touche au cercle très secret du PCF, avec probablement quelques connexions du côté des services de renseignement soviétiques. Pierre Dex, qui l'a bien connu après la guerre, précise. Hu entendait mettre ses dons au service de la cause qui justifiait les risques qu'il avait pris durant la résistance et se confondait à ses yeux avec un avenir rationnel pour l'humanité. L'aide à l'Union soviétique. Il n'avait pourtant rien de stalinien. Il ne ressemblait même guère à un communiste. C'était un intellectuel progressiste, mais sans aucune des niaiseries utopiques ou idéalistes qui s'attachent à cette dénomination. Il avait le sens des réalités pratiques. Peut-être faut-il chercher ses pareils dans les pays anglo-saxons. Il n'aurait sans doute pas été un Philby, un Burgess ou un Alger Hiss, mais son outillage mental ne devait pas être si différent du leur. À samedi prochain sur France Inter, je vous rappelle l'adresse internet de France Inter, www.franceinter.com, et vous cliquez sur Rendez-vous avec X. Merci Patrick Pénaud, on retrouve le cours normal.